AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'histoire de la lutte anti-alcoolique. L'écolier au fond de la classe n'y pense pas trop. Puis son regard se pose sur une affiche accrochée au mur. Vous savez, ces grands tableaux muraux des salles de classe. Il y lit qu'il existe des boissons naturelles bonnes. Le vin, le cidre, le poiré, la bière. Et puis, des alcools industriels mauvais, à base de betteraves, de pommes de terre et de grains. Il y voit les organes sains, un estomac, un foie, un cœur, un rein. Et puis, les mêmes, mais ceux d'alcooliques, tout détruits, tout moches, tout abîmés. Surtout, en haut de l'affiche, il peut lire « L'alcool, voilà l'ennemi ». Didier Nourisson, bonjour. Bonjour, et à votre santé. Merci, trinquons ensemble, parce que dans cette histoire d'alcool, il y a une temporalité essentielle. J'évoquais cette affiche de salle de classe qui date de 1900, pour bien éveiller les consciences au danger de l'alcool. Oui, à remarquer une chose, hein, c'est que votre émission s'appelle « Bois de l'eau, sac à vin », mais c'était surtout pas la boisson à favoriser. Hein. Dans la liste que vous avez donnée, on parle de bonnes boissons, c'est le vin, le cidre et la bière. Il n'y a pas l'eau, parce que l'eau était bien dangereuse. L'eau était dangereuse, et vous répondez à ma question, Didier Nourisson. Effectivement, quand nous parlons de la lutte anti-alcoolique, il faut bien définir de quelle boisson nous parlons. Alors là, sur cette affiche de 1900, nous sentons bien qu'il s'agit d'alcool, et il est précisé industriel. Tout ce qui est bière, vin, cidre ne pose pas tant de problèmes que ça. Eh oui, c'est naturel. On dit que ce sont des boissons naturelles face aux boissons industrielles. Et en fait, c'est les distillés contre les fermentés, quoi. Oui, voilà, tout simplement, le distillé contre le fermenté. Donc, il y a toute une histoire, mais que vous écrivez, Didier Nourisson, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard à Lyon. Et puis, avec vos ouvrages, dont certains ont marqué, ne serait-ce que par leur titre, Cru et cuite, Histoire du buveur. Didier Nourisson, le 19e siècle est un très bon millésime, d'ailleurs, pour l'historien de l'alcool. Oui, parce que c'est là que tout commence, non pas l'alcoolisation, parce que l'alcoolisation est aussi ancienne que les Romains, mais c'est là que commence l'alcoolisme et par contre-coup l'anti-alcoolisme. C'est-à-dire que la maladie alcoolique ou les maladies alcooliques sont alors déterminées au XIXe siècle par une médecine de plus en plus sûre d'elle-même. La médecine, élément essentiel évidemment, sur le regard posé sur l'alcoolique et puis sur l'alcool lui-même, mais le 19e siècle, siècle de l'industrialisation. En quoi il y a un lien entre ce développement de l'alcool et l'industrialisation ? Alors c'est très important la révolution industrielle, parce que évidemment ça va mettre sur le marché des consommations, des nouvelles boissons plus fortes en alcool, c'est-à-dire les boissons spiritueuses, ainsi que de favoriser vraiment les productions, y compris de vin, puisque c'est aussi une fabrication. Et puis, la révolution industrielle va aussi mettre à la portée de tous ces boissons. Hein, c'est-à-dire que on assiste à la création de deux classes qu'on a jugées très antagonistes, hein, la classe bourgeoise et la classe ouvrière, mais on a vu surtout le phénomène d'alcoolisation dans la classe ouvrière, dans les classes populaires, comme un moyen de vraiment de tenir le peuple, hein, quelque part. Tenir le peuple en tenant l'alcool, c'est ça, maîtriser un peu, surtout l'excès. C'est l'excès, nous sentons bien, qui fait peur, parce que l'alcool en lui-même, Didier Nourisson, ne pose pas tant de problèmes que ça. Vous citez Guy de Maupassant, un Normand dans les Contes de la Bécasse, hein, qui parle du père Mathieu. Et le père Mathieu, il dit qu'il boit en artiste, parce qu'il est gris tous les soirs, il le sait, et il sait très bien comment gérer son ivresse. L'ivresse en soi, au 19e siècle, n'est pas un problème. Cette ivresse devient un problème. Voilà. Et donc, la maladie alcoolique est vite perçue comme une maladie sociale, hein, la maladie des gens qui sont contre la société, qui sont telle qu'elle est, la société, on va dire, capitaliste, hein, pour dire vite. Et c'est une maladie qui va donc toucher les gens du peuple, les ouvriers, hein, en particulier, et depuis Louis Villermé, qui dénonçait déjà, dans les années 1840, les ouvriers buveurs dans les manufactures de textiles. Ça, c'est la vie du dominant ou du médecin. Nous pouvons aussi demander l'avis du buveur. Salut. T'en viens, des Rouget? Ils sont bien, mais ils sont tenus. Moi aussi, je te retiens. Je te remercie pour la soirée d'hier. Quelle soirée? Bon, c'est pour celui qui comprend pas. Ton client, là, ton espagnol. 12 verres cassés, ça te dit rien? Dis donc, toi, primo, ça fait 15 ans que je t'interdis de me parler. Deux yeux, si tu voulais pas qu'il boive, t'avais qu'à pas le servir. Alors là, monsieur Quentin, je te rétorque que primo, je l'ai viré. Deux yeux, des ivrognes, il y en a assez dans le pays sans que tu les fasses venir de Paris. Un ivrogne? Oh ben un peu, oui. Même que le père Bardas qui boit 15 pastis par jour, il n'en venait pas. Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi. Mon espagnol, comme tu dis, est le père Bardas. Les grands ducs et les boissons soif. Les grands ducs? Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps, mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de vous. Eux, ils tutoient les anges. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole, l'espagnol? Et pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous. Décidément, on peut plus causer de rien avec toi, tiens. C'est trop con. Jean Gabin, Un singe en hiver, le film d'Henri Verneuil en 1962. Donc nous sommes là encore en Normandie, Un singe en hiver, avec cette réflexion de Gabin autour de l'art de consommer, l'art de l'ivresse. Didier Nourisson, il n'est pas possible de faire une histoire de l'ivresse sans faire une histoire sociale. Cela correspond à des groupes sociaux systématiquement. Ah, complètement. Ces propos de Jean Gabin, ivrogne invétéré, me rappellent beaucoup une enquête qui a été menée il y a tout juste un siècle et demi, en 1871, et qui porte sur les sublimes ouvriers qui étaient des ouvriers qui savaient boire, qui tenaient la boisson et qui buvaient beaucoup. Hein, dans les milieux parisiens d'ailleurs, puisque cette enquête porte sur les ouvriers parisiens. Et c'est donc très très intéressant de voir le singe en hiver. Ça doit être des années 1930. Hein, je ne rappelle plus exactement. Voilà, le film est de 62, mais le roman, je vais vous dire ça. Voilà, oui. Mais c'est vrai que là, avec Gabin, nous avons malgré tout la lecture de l'alcool, mais issue d'une vieille tradition. C'est, voilà. C'est l'art de consommer. Nous avons parlé dans le cours de l'histoire de l'absinthe et des poètes. Il y a toujours cette lecture-là de l'ivresse et de l'alcool. Et ça montre aussi que même dans la classe ouvrière, il y a des gens qui savent boire et des gens qui ne savent pas boire. Des ivrognes qui sont sages en quelque sorte, hein, un peu à la manière de Gabin, et puis des ivrognes qui sont pris de boisson au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils échappent à toute humanité dès lors qu'ils consomment. Un singe en hiver, le roman d'Antoine Blondin, c'est 1959. Mais Didier Nourisson, dans cette réflexion sur l'alcool et le danger de l'alcool, le 19e siècle, la révolution industrielle permet la diffusion de l'alcool. Et notamment, il a la possibilité de boire des alcools différents plus facilement grâce au transport. En Normandie, c'était le cidre et chaque région avait sa spécificité. Maintenant, on peut boire un peu tout plus facilement et moins cher. Oui, alors effectivement, la circulation des foudres de vin va s'accentuer, ou des tonneaux d'alcool aussi, bien sûr, avec les wagons spécialisés, les conteneurs, comme on aurait pu dire à l'époque, spécialisés sur la marine. Et puis, cette circulation accélérée, ce réseau ferroviaire et maritime qui se met en place... permet aussi de jalonner le dit réseau par des débits de boissons où l'on va s'arrêter quand on circule. Je pense par exemple au Havre. Il y a le maire du Havre de l'époque qui va devenir un très grand anti-alcoolique qui s'appelait Jules Siegfried à ce moment-là. Et au Havre, on va avoir un nombre de bistrots, enfin de mastroquets comme on disait à l'époque, extrêmement important, parce que c'est à la fois le point de départ vers les Amériques pour les migrants, et puis c'est un point d'arrivée pour les ouvriers dans les usines havraises. C'est de la géographie aussi, faire l'histoire de l'alcool. Alors la géographie à l'échelle d'une nation, mais aussi à l'échelle d'une ville, et même... Ben, vous l'avez cité, ce lieu de boisson, ce débit de boisson, et au 19e siècle, ils sont nombreux, ils sont de tout type. Alors, ils sont de tout type, les débits de boissons, effectivement. Il faut répondre aux appels de classe, en quelque sorte. Hein. Donc, vous allez avoir des cafés, hein, ce qu'on appelle des cafés, c'est-à-dire des lieux chics, où l'on ivrogne, où on pochetronne, mais entre gens bien. Avec des glaces au mur, des tables de marbre et des chaises tonnées, hein. Donc c'est très chic, très bien. Avec des terrasses aussi, hein. On ouvre les cafés et on se montre sur les grands boulevards à Paris sur des terrasses. Et à l'inverse, des cabarets ouvriers. Où on se retrouve entre coteries, c'est-à-dire entre bandes d'ouvriers, travaillant en général dans le même secteur, et les deux extrêmes, on ne boit pas les mêmes boissons, mais on pochetronne extrêmement fréquemment. Fréquemment, avec des boissons différentes, j'imagine. Hein. Oui. Dans les cafés, c'est vrai qu'au moment du souper, il faut impérativement du champagne. Et puis, dans les petits débits là, qui accueillent les ouvriers, nous allons trouver des alcools alors de plus ou moins bonne qualité, et souvent de pas très bonne qualité. C'est le prix qui compte. Voilà. Alors, on va voir apparaître des alcools extrêmement sélects que l'on va classer dans la catégorie des apéritifs. Hein. Je reviendrai peut-être sur l'apparition de ce mot, mais ces alcools sont très nombreux, très diversifiés, de couleurs différentes aussi. Vous parliez de l'absinthe, effectivement, c'est une belle référence. Et puis. À l'autre bout de la chaîne et des prix aussi, on va avoir des alcools forts qui tuent quelque part, hein, qui assomment en tous les cas, comme disait Zola avec l'assommoir. Eh bien justement, Zola est avec nous, et plus précisément l'entier. Ce qu'elle écrit bien, ma femme. Les chiffres, surtout. C'est le plus joli. On dirait des petites bêtes. Tiens, il faut que je t'embrasse. T'es une trop bonne femme. Laisse-moi, tu vois bien qu'on travaille. Et si je veux t'embrasser devant tout le monde parce que je t'aime bien, hein? Oh, bah laissez-le faire, quoi, il a bien le droit. Ah. Laissez-vous embrasser, qu'on en parle plus. Allez, allez. Ah non! Oh, tu tiens à moi aussi, ça. Oh, cette fois, en voilà assez, allez, viens. Tu trouves ça propre, toi, de boire son argent pendant qu'il s'échine 12 heures par jour? Comment je vais le rembourser, hein? L'Assommoir d'Émile Zola, le roman qui paraît en feuilleton à partir de 1876, et puis... Ce que nous venons d'entendre, c'est le film de René Clément en 1956. Didier Nourisson, la dénonciation de l'excès d'alcool est déjà œuvre de littérature. Comment se construit cette dénonciation? Vous nous avez dit qu'il y a tout un aspect déjà moral, mais même tout simplement politique. L'alcoolique est dangereux. Oui, alors On commence d'abord par définir la maladie alcoolique au milieu du 19e siècle comme une maladie d'intoxication par le sang qui véhicule les molécules d'alcool jusque dans tous les organes. Donc, première définition de la maladie alcoolique, c'est la cirrhose du foie, finalement, qui va atteindre donc le foie. Mais la deuxième, et qui va devenir prégnante, c'est l'alcool qui atteint le cerveau. Et là, on va voir, donc, on va considérer que cette atteinte au cerveau est une atteinte qui rend fou, du coup, les individus qui sortent des normes en vigueur et qui vont avoir un comportement dangereux pour la vie sociale, tout simplement. Hein. Rixes de cabaret, mais aussi grève, complot, en tout genre, voire révolution. Et on est au 150, on va fêter, si j'ose dire, la Commune de Paris sous peu. Ça veut dire que on a considéré les communards comme des alcooliques dangereux pour l'ordre social. Oui, l'association de l'alcoolique et puis du complotiste, du révolutionnaire, de l'agité est quelque chose qui touche à tout pouvoir autoritaire. Considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés, cabarets et débits de boissons est une cause de désordre et de démoralisation, que dans les campagnes surtout, ces établissements sont devenus en grand nombre des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes et ont favorisé d'une manière déplorable les progrès des mauvaises passions, aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place ne peut être ouvert sans la permission préalable de l'autorité administrative. Tout individu qui ouvrirait un café, cabaret ou débit de boisson sans autorisation préalable serait poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'une amende de 25 à 500 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. Le 29 décembre 1851, alors qu'il a fait son coup d'État au début du mois, le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, signe un décret présidentiel donc qui réglemente les débits de boissons. C'est une lecture de Marion Malenfant dans Le cours de l'histoire. Et Didier Nourisson, nous l'avons là clairement sous le Second Empire, cette volonté de contrôler. C'est une lecture plus globale d'ailleurs à travers l'alcool, de la volonté de contrôler la société. Mais pour l'alcool, c'est essentiel parce qu'il y a l'excès. L'excès fait peur. Voilà, l'excès fait peur et on se rend bien compte que le coup d'État du 2 décembre 1851 marque évidemment la fin de la République, mais le début d'une politique anti-alcoolique et contre même les gens pris de boissons de manière très systématique. Hein, et ce décret du 29 décembre, donc quelques semaines après le coup d'État, est le moyen le plus sûr, jugé le plus sûr, pour tenir le peuple. Tenir le peuple, effectivement, c'est ce qui fait peur. Il faut lutter contre l'alcoolisme. En tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau ferrugineuse. France Culture. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Le cours de l'histoire. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Xavier Mauduit. Sublime Bourville dans Le cours de l'histoire. Et avec nous pour parler de la lutte anti-alcoolique, Victoria Afanasieva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne rattachée au Centre d'histoire du 19e siècle de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'autrice d'une thèse dirigée par Myriam Tsikounas, qu'il faut citer dans cette émission. Le titre de votre thèse, en tout cas votre champ de recherche, Victoria Afanasieva. Oui. C'est quoi ? C'est l'histoire de la lutte anti-alcoolique et plus précisément la place, le rôle et les engagements des femmes depuis 1835 jusqu'à 2013, donc une très longue histoire. Très longue histoire qui commence en 1835, Chercher la femme, histoire du mouvement anti-alcoolique en France. Et justement, dans cette histoire longue, vous commencez en 1835. Donc nous sommes dans ce moment particulier du 19e siècle que nous avons évoqué avec Didier Nourisson. Comment se construit la lutte anti-alcoolique au 19e siècle à travers ce regard, celui des femmes ? Alors, 1835, c'est le moment, c'est l'année de la formation de la toute première société anti-alcoolique, de la société de sobriété à Amiens, dans cette ville ouvrière du nord de la France où on boit beaucoup. Et cette société est fondée par un conseiller de la cour royale à Amiens dans le but de démontrer aux ouvriers qu'il faut être tempérant pour avoir du bonheur, pour avoir de la prospérité, pour être en bonne santé, en bon état physique et moral. Et cette société réunit quelques membres des élites de la ville, quelques membres des élites ambiennoises, dans le but de réfléchir sur les manières, comment apprendre aux ouvriers cette fameuse tempérance. Mais cette société est très éphémère, elle disparaît au bout de 3 ans. Finalement, on ne trouve aucune action entreprise dans ce but-là. Et il faut dire que cette société de sobriété à Amiens apparaît par suite de la formation de mouvements de tempérance dans le monde, qui commence aux États-Unis, avec la formation de sociétés de tempérance aux États-Unis, qui ensuite s'importe en Grande-Bretagne. Et là-bas, le but, c'est de détourner les peuples de toutes les boissons alcooliques, pardon. Et les personnes qui adhèrent à ces sociétés, ils sont obligés de faire un sermon d'abstinence. Oui, parce que là, nous avons en 1835 ces idées, et c'est important de le souligner, qui viennent du monde anglo-saxon. Il faut lutter contre l'alcool. Dans ces idées qui viennent du monde anglo-saxon, vous nous dites bien, Victoria Afanasieva, qu'en 1835, en France, c'est le début. Ça ne dure pas. Quel est le moment où, concrètement, ces ligues commencent à prendre puissance ? Alors, au tout milieu du 19e siècle, le monde anglo-saxon qui veille bien sur ce qui se passe en France, et il pense que ce moment de révolution, c'est un moment de régénération tempérante. Sauf qu'en France, on ne pense pas comme ça. Et ce moment de régénération tempérante vient après la guerre franco-prussienne et après la Commune, après ces débauches, après ces articles dans la presse qui dénoncent l'alcoolisme, les abus, les excès des communards et des soldats. Et au lendemain de ces événements, en 1872, la Société française de tempérance apparaît. C'est la première grande société qui dure et qui existe encore aujourd'hui. Elle a changé de nom plusieurs fois et encore en janvier cette année. Aujourd'hui, cette Société française de tempérance s'appelle Association Addiction France. Cette société qui apparaît après la Commune, nous avons dit plusieurs fois ici que le discours dominant condamne les communards comme alcooliques et dangereux ou dangereux et alcooliques, mais nous ne sommes pas victimes du discours dominant et nous savons très bien que déjà dans la bonne société, il est question de boire. Oui, dans la belle société, dans le tout Paris du Second Empire, ça picole sec. Libia, Libia, Aurélien. Bellezza infiora e la fuggevo, fuggevo allora sull'ebria volontà. Libia nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quella che al cuore non vivo tendeva. Amore, fra i tali, più caldi baci avrà. La Traviata de Verdi en 1853, d'après La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. Fils, en 1848, La Traviata, où effectivement, on l'entend, buvons, dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Somaya Dabesh, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, le cours de l'histoire qui, aujourd'hui, s'intéresse à ce moment particulier, le 19e siècle, quand l'alcoolisme devint une maladie, cette prise de conscience, Didier Nourisson. Alors, avec La Traviata, nous avons ici une lecture différente de l'alcool. Il y a cet alcool mondain qui est très toléré, très bien vu même. C'est intéressant de voir comment se construit le discours autour de l'alcool, qui est un discours social qui condamne l'ouvrier potentiellement révolutionnaire et qui soutient l'alcool quand il est festif et mondain. C'est le Paris d'aujourd'hui. Oui, c'est les deux extrêmes et ça va bien ensemble. C'est ce que j'ai appelé la civilisation française du vin parce que tout le monde boit. À tous les étages, en quelque sorte, à tous les moments aussi de la journée, au repas ou hors des repas. Et tout le monde chante aussi, hein, beaucoup de chansons à boire, qui, comme la Traviata, hein, au fond, nous montrent que l'alcool a atteint toutes les strates de la société et tous les moments de la vie sociale. Et effectivement, on va avoir une généralisation des consommations, mais avec des distinctions, comme dirait Bourdieu, extrêmement marquées d'une catégorie sociale, une classe sociale à une autre. Et justement, dans la condamnation de l'alcoolisme, nous trouvons nettement ces différences. Et dans les combats qui sont portés pour lutter contre le trop d'alcool, Victoria Afanasieva, vous vous intéressez au rôle des femmes. Mais ce rôle des femmes est-il essentiel et porteur, voire moteur, ou est-il dans un premier temps marginal ? Oui, aux yeux des militants anti-alcooliques, aux yeux des premières sociétés même de tempérance, le rôle des femmes est crucial. Mais il faut bien entendre sous ce rôle, c'est une femme, ange du foyer, gardienne du foyer. Donc la femme comme fille d'abord, la femme comme épouse, la femme comme mère, elle a le devoir d'élever son enfant, d'influencer son mari pour ne pas aller au cabaret. Et pour cela, dans les discours anti-alcooliques, on trouve plusieurs appels aux femmes de rendre leur intérieur agréable, de faire de la bonne cuisine. Voilà. Et en même temps, on trouve des conseils. Comment rendre son foyer agréable, mettre des jolis rideaux et quelque chose, voilà, d'attirer l'homme, de le détourner du cabaret. Et alors, détourner l'homme du cabaret, donc un discours qui est adressé directement aux femmes, Didier Nourisson, il y a un contraste là aussi très fort, hein, entre cette place donnée à la femme, ce rôle majeur, et puis le discours lui-même, mais venu du monde médical, qui est un monde masculin. Alors, l'alcoolisme étant un problème de santé publique et d'ordre public, c'est l'affaire des hommes, en premier lieu, de résoudre la question. Et la société de française de tempérance dont parlait Victoria à l'instant, est d'abord une société masculine. Hein, je crois que c'est très important. Il y a des hommes politiques, il y a des médecins de l'Académie de médecine, il y a Louis Pasteur aussi, le chimiste bien connu. Donc on a vraiment une société d'hommes qui s'en prend à l'alcool et qui, effectivement, comme le disait Victoria, interpelle les femmes ou somme les femmes d'agir, de réagir. Mais les militantes, les femmes engagées, on va dire, de la période sont encore très très minoritaires. Hein. Il faudra attendre le second féminisme affirmé du début du 20e siècle pour voir des dames d'œuvre qui s'engagent vraiment dans le mouvement anti-alcoolique. Bien, justement, ce mouvement anti-alcoolique alors produit lui-même un discours dont nous écoutons un extrait. L'alcoolisme se généralise d'une manière effrayante. Sous forme de cocktail, boisson à base d'alcool, l'empoisonnement a envahi d'abord les milieux mondains, puis s'est étendu partout dans la classe aisée, voire même chez les intellectuels. C'est comme un vent de folie qui passe sur notre génération, déjà si éprouvée. En face d'une pareille calamité, l'Union des Françaises contre l'alcool vous supplie de vous enrôler dès maintenant dans la campagne qu'elle entreprend contre les cocktails. Marion Malenfant qui nous lisait ce texte de l'Union des Françaises contre l'alcool. Victoria Afanasieva, l'Union des Françaises contre l'alcool. Alors là, nous nous situons au XXe siècle, hein, après la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres. Cette volonté de lutter contre l'alcool n'est pas simplement, comme vous nous l'avez dit dans un premier temps au XIXe siècle, le rôle d'une femme au foyer, il a une vocation sociale beaucoup plus large. Oui, cette Union des Françaises contre l'alcool apparaît en pleine guerre 14-18, et plus exactement en mai 1916. Et comme on le voit dans le titre, Union des Françaises contre l'alcool. Et l'alcool, à l'époque, comme on a dit au début de l'émission, ce sont des boissons mauvaises, des boissons distillées. Et cette Union ne combat pas le vin, la bière et le cidre. Et dans les années 1930, à la fin des années 1920, on voit la vogue des cocktails arriver. Et là, tout le mouvement anti-alcoolique est terrorisé parce que les cocktails, c'est quoi? C'est le mélange de différentes boissons alcooliques et des boissons fortes. Donc, on a maintenant plusieurs boissons, plusieurs mélanges qui sont encore beaucoup plus dangereuses pour la santé. Et là, dans ce discours sur les cocktails, on retrouve un grand changement dans des paradigmes. On retrouve les femmes qui consomment de l'alcool et des cocktails, et donc les femmes qui sont priées d'arrêter de boire. Et en même temps, ce sont des femmes qui viennent de la haute société. Et justement, tous les verres sont tombés, nous n'avons plus rien pour boire. Misère, ce sont les bouteilles avec. Allez-y, Victoria Afanasieva. Oui, tout à fait. On voit un grand changement, excusez-moi. Au 19e siècle, on parlait d'un alcoolique, c'est un homme de la classe ouvrière. Et voilà, dans l'entre-deux-guerres, on parle d'une femme issue des milieux aisés de la haute société qui s'alcoolise. Excusez-moi, le bruit semble très bien. C'est pas grave, j'admire votre faculté à associer le bruitage à votre discours, Victoria. Et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que dans les années 1930, on va apparaître un tout nouveau discours anti-alcoolique qui s'appelle « anti-alcoolisme constructif ». Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le passage de la propagande, comme on dit, de la propagande négative, c'est-à-dire on n'accuse plus l'alcool des ravages, mais on parle des fruits, de l'utilisation des fruits dans l'autre but que de la production d'alcool. Donc, on commence à inciter les producteurs de boissons alcooliques de transformer leurs produits bruts en jus, en confiture. Voilà. Et de cette manière, on passe à la propagande positive. La propagande positive, et maintenant qu'il n'y a plus une seule bouteille, nous pouvons écouter une étonnante archive de 1935. Qualité magnifique d'archive de 1935, c'est Causerie radiodiffusée. C'est Maurice Garçon, avocat, écrivain, historien, qui s'intéresse à l'alcool, ou plutôt à la lutte anti-alcoolique. Malgré les avertissements répétés, on ne prend point assez garde aux méfaits de l'alcool. Sans doute une grande majorité sait que l'alcoolisme est une plaie et le répète. Mais parce qu'il y a des degrés, trop de gens croient que le danger n'est couru que par les autres. Entre l'ivrogne invétéré dont l'ivresse quotidienne ou périodique cause un scandale public et l'homme élégant qui entretient cette pointe d'alcoolisme mondain dont parlait naguère un médecin célèbre, il y a sans doute une différence, mais elle est souvent plus apparente que réelle. L'alcoolique est un bourreau de soi-même. L'alcoolique est un danger social. Ses enfants naissent rachitiques et leur mortalité est grande. Les mères qui boivent ne peuvent allaiter. Les fils de buveurs sont prédisposés à la tuberculose. Le pays tout entier en devient la victime. L'alcool, par certains côtés, fait autant de ravages que la guerre. Et nous aurions envie d'ajouter l'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. C'était Maurice Garçon en 1935. Quand nous entendons cela, Didier Nourisson, Maurice Garçon, qui est né à la fin du 19e, hein, en fait, synthétise un long discours de condamnation de l'alcool. Il le synthétise et il le relance, hein, parce que l'anti-alcoolisme est en difficulté dans les années 20, pour cause de surproduction de vin. L'État lui-même encourage les consommations. Donc l'anti-alcoolisme, on va dire privé ou associatif, est à la peine. Mais Maurice Garçon, là, est extrêmement intéressant parce qu'il reprend toutes les données du docteur Legrain, qui était l'apôtre de la tempérance, comme on le surnommait, et qui atteint ses 70 ans en 1930, de manière assez solennelle d'ailleurs. À ce moment-là, donc, on a une résurgence ou un retour de flamme de l'abstinence. Hein. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à dénoncer, dans les milieux anti-alcooliques, les consommations de vin, pour la première fois, et on va jusqu'à, comme le disait Victoria, lancer, à l'inverse, les consommations de jus de fruits. Hein, et toutes les grandes marques de jus de fruits d'aujourd'hui, hein, Joker, Pampril et je n'en citerai pas d'autres, sont de l'époque et sont nées du mouvement anti-alcoolique, abstinent. Abstinent, et en citant le docteur Legrain, donc qui œuvre contre l'alcool au début du XXe siècle, il ne faudrait pas oublier, mais derrière le grand homme, il y a toujours celle qui est souvent plus grande, son épouse, Victoria Afanasieva. Maria Legrain aussi est un personnage essentiel dans cette histoire de lutte anti-alcoolique. Oui, Maria Legrain, c'est une femme que personnellement j'admire beaucoup. Elle est présentée dans la presse de l'époque comme une dévouée collaboratrice de son célèbre mari, Paul-Maurice Legrain. Et en effet, au début, elle le seconde dans ses tâches. Paul-Maurice Legrain, c'est un des fondateurs de l'anti-alcoolisme populaire, comme on peut le dire, qui attire des dizaines de milliers de Françaises et de Français dans le mouvement anti-alcoolique. Et Maria Legrain entre d'abord dans le conseil d'administration de sa première association anti-alcoolique populaire. Après, elle fonde une petite section cadette de tempérance pour les enfants. Et ensuite, au lendemain d'un congrès anti-alcoolique international qui a lieu à Paris, Maria Legrain réunit plusieurs personnes, plusieurs femmes militantes américaines, britanniques, qui sont venues participer au congrès. Et en même temps, il réunit plusieurs féministes françaises et d'autres femmes qui sont intéressées au mouvement anti-alcoolique pour fonder l'Union française des femmes pour la tempérance. Alors, cette union n'a pas une longue vie. Elle disparaît au bout de 4 ans. Et Maria Legrain, elle décide de se consacrer à quelque chose de plus pratique, plus concret et beaucoup plus stable. Et elle fonde avec son mari, à l'aide maintenant de son mari, des restaurants de tempérance. Et ce qui est le plus important, en 1902, elle fonde un sanatorium pour les alcooliques issus des milieux aisés. Et là, c'est la grande différence avec l'œuvre de son mari, parce que son mari, c'est un médecin en chef, d'abord à Ville-Évrard, où il dirige le service pour les alcooliques, mais issus des classes ouvrières. Et Maria Legrain, elle fonde, voilà, c'est une grande maison familiale à Grande-Terre, à 20 minutes de Paris, où elle accueille un nombre restreint de pensionnaires. Il faut dire que Maria Legrain, elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas fait d'études de médecine, mais elle commence à soigner des alcooliques. Et elle commence à apprendre et ensuite elle participe et va jusqu'à participer dans les manifestations nationales et internationales sur les questions de l'alcoolisme. Et elle présente ses recherches en disant que l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est pas un vice, mais c'est une maladie qui se soigne. Et en 1912, elle reçoit un prix de l'Académie des sciences, un prix médical, pour toute son œuvre anti-alcoolique. Mais par contre, sa carrière anti-alcoolique ne dure pas parce qu'en 1909, le couple Legrain divorce. Et dans le jugement de divorce, on retrouve ce sanatorium pour les alcooliques. On voit que cela est devenu une pierre d'achoppement dans le couple. Et par conséquent, Maria Legrain se voit évincé, exclu de tous les milieux anti-alcooliques. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant de mettre des destins dans cette histoire de la lutte anti-alcoolique avec ces destins féminins que vous étudiez, Victoria Afanassieva. Et je précise que vous nous parlez de chez vous. Donc, contrairement à ce que je peux lire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un bizutage de mettre des bruits derrière vous. Ce n'est pas nous, c'est la réalité de la vie qui fait qu'il y a eu ces bruits de verre pendant l'émission. Et ce n'est pas du tout pour vouloir vous embêter ou vous enquiquiner. Justement, dans cette longue histoire de la lutte anti-alcoolique, il y a cette volonté des autorités de contrôler les débits de boissons, de contrôler la manière de boire, mais avec aujourd'hui des temporalités qui nous étonnent. Allez, faisons un petit tour à l'école en 1956. À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants. Voilà, les actualités françaises en 1956. Didier Nourisson, quand il s'agit de faire l'histoire de l'alcool, de l'alcoolisme et de la lutte anti-alcoolique, il faut se méfier de nos représentations. C'est une histoire qui nécessite sans cesse d'être contextualisée, les représentations du moment que l'on étudie. En 1956, l'alcool n'est pas du tout perçu comme aujourd'hui. Alors, les années 1950 marquent un tournant, si j'ose dire, dans cette lutte anti-alcoolique. C'est, on va considérer la boisson pour son degré d'alcool contenu et non plus comme boisson, comme on disait, naturelle ou hygiénique et puis boisson industrielle. Maintenant, c'est le degré d'alcool qui compte et du coup, le vin en prend pour son grade, si j'ose dire, puisque on va maintenant se mettre à considérer le nolisme comme avant on considérait l'alcoolisme. Et c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les années 50, l'État s'inquiète encore plus, après la cure de désintoxication, si j'ose dire, de Vichy, des années Vichy, on va voir arriver un anti-alcoolisme d'État, porté notamment par le grand ministre Pierre Mendès France, qui va promouvoir donc cet anti-alcoolisme au plus haut sommet, en créant par exemple le Haut Comité d'études et d'information sur l'alcoolisme, présidé par le professeur Robert Debré, et qui va faire des campagnes anti-alcooliques et se mettre à faire des campagnes anti-alcooliques pour dénoncer le danger social que cela représente. Sous Giscard d'Estaing, on rappellera que l'alcoolisme a été considéré comme une grande cause nationale. Donc c'était un vrai problème d'importance. Et cet anti-alcoolisme d'État donc, va s'affirmer dans l'éducation nationale par une circulaire dont on parle ici en 1956, sortant des cantines le vin. Preuve d'ailleurs qu'il y était très, très installé sur les tables. À partir de ce moment-là, donc, les moins de 14 ans n'auront plus accès au vin dans les cantines scolaires. Ils pouvaient avoir accès ailleurs, chez eux par exemple, mais enfin ça c'est une autre histoire. Les plus de 14 ans, de 14 à 18 ans, les jeunes vont pouvoir continuer à boire du vin, mais coupés d'eau. C'est bien précisé par la circulaire. Et après 18 ans, ils sont pas encore majeurs, mais ça fait rien. On leur permet de juger avec raison de leur consommation et donc ils peuvent encore boire du vin. Il faudra attendre 1984, hein, l'ère Mitterrand en quelque sorte, pour voir disparaître de nos cantines scolaires complètement le vin. J'y étais, j'y assistais, et c'est assez intéressant. À remarquer aussi que dans les années 50, la boisson préconisée dans les cantines scolaires, c'est évidemment le lait et non pas l'eau, toujours pas l'eau, parce que l'eau est toujours dangereuse. Un peu moins, parce que on se met à épurer l'eau, mais quand même. Hein. Donc, on va promouvoir le lait. Mendès France, c'est Mendès Lolo, c'est le lait Mendès, très, très important. Didier Nourisson, donc vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages hein, sur l'art de boire, ou de bien boire, ou de mal boire, Crues et cuites, histoire du buveur, ou encore tout simplement l'histoire du vin, et vous préparez une histoire du lait aussi, donc c'est formidable, mais il y aurait cette histoire de l'eau à écrire, parce que toute cette question de l'alcool, c'est aussi une question de l'accès à l'eau potable. Exactement. Et donc l'accès à l'eau potable, en fait, est le meilleur moyen de lutter contre l'alcoolisme. Sans doute, oui. Sans doute, mais voilà, mais quand même, on peut couper avec un peu de vin ou de cidre. Ben, en tout cas, merci beaucoup à vous deux, Didier Nourisson, pour tout ce que vous nous apportez aujourd'hui, pour l'attente que nous avons de votre histoire du lait, et puis pour les ouvrages que nous pouvons lire sur votre histoire de l'alcool. Et merci à vous, Victoria Afanasieva. Et je voudrais signaler votre blog « Histoire du mouvement anti-alcoolique en France » en attendant la publication de votre thèse « Chercher la femme, histoire du mouvement anti-alcoolique en France, 1835-2013. Merci beaucoup à vous deux. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors, dans le journal de l'histoire, aujourd'hui, les procès en images. Oui, une réglementation qui se cherche et qui puise justement dans l'histoire. Alors qu'à l'Assemblée nationale, un projet de loi est à l'étude pour soutenir la confiance dans l'institution judiciaire, la question des procès filmés apparaît dès le premier article du texte proposé. À cette occasion, Jean-Louis Comolli s'entretient avec l'historienne de tous les cinémas de la Deuxième Guerre mondiale, Sylvie Lindeberg, sur le procès de Nuremberg qui a fait date en la matière. Un procès organisé par les Alliés, vainqueurs, pour juger les plus hauts responsables nazis, les vaincus, qui s'est déroulé sur près d'une année entre novembre 1945 et octobre 1946, avec 12 condamnations à mort. Les audiences du procès ont été filmées et des films notamment tournés dans les camps de concentration au moment de leur découverte par les troupes alliées ont été utilisés comme preuve à charge pour démontrer les crimes reprochés aux accusés. Procès historique au possible, Nuremberg a produit ces images, utilisé les images et a fait l'objet d'une foisonnante production d'images par la suite, aussi bien dans la fiction que dans les documentaires qui se sont consacrés à son histoire, avec notamment Nuremberg, des images pour l'histoire, une enquête de Jean-Christophe Klotz qui revient sur la recherche acharnée de photos et de vidéos des crimes nazis pour le procès par Bud et Stuart Schulberg. Exercice de mise en récit par excellence, le procès de Nuremberg a été conçu par les deux grands vainqueurs de la guerre, américains et soviétiques, comme un événement qui devait largement déborder de sa mission première judiciaire. Raconté et représenté pour projeter les sociétés ravagées par la guerre dans l'après, un avenir où la paix serait le maître mot, qu'il apparaisse dans sa définition socialiste ou capitaliste. Plongée dans les coulisses des préparatifs de Nuremberg, Sylvie Lindeberg a voulu comprendre comment ceux qui allaient filmer l'événement et ceux qui élaboraient ces films-preuves avaient dû eux-mêmes se représenter les crimes à juger, avec un acteur majeur de cette mise en récit, la Field Photographic Branch, dirigée par John Ford, est chargée de rechercher et de monter les images, de réaliser un court-métrage pour préparer l'opinion au procès, mais aussi de filmer les audiences et enfin d'élaborer un documentaire qui fixerait la mémoire de cet événement sans précédent. C'est à l'écriture d'une dramaturgie élaborée autour de la lecture des crimes nazis par le tribunal de Nuremberg que se livrent tous ces acteurs. Le 21 novembre 1945, dans son discours d'ouverture, le procureur américain annonce à la cour qu'elle verrait les inculpés rejouer leurs crimes sur l'écran. La représentation des crimes mobilise les performances des opérateurs, des monteurs, mais aussi de ceux qui en sont les objets. le talent ou l'absence de talent des accusés pour se mettre en scène et l'échec aussi des prévisions de l'effet de la diffusion des images de l'extermination. Les scénarios de Nuremberg, élaborés alors que les troupes alliées triomphaient du nazisme, sont proposés alors que le contexte a changé. La guerre froide déclarée qui affûte les arguments de ses détracteurs, les aléas du présent et des performances des magistrats et des accusés qui ont grippé la machine spectaculaire et moralisante voulue à Nuremberg, qui a en partie échappé à son scénario originel, contraint par l'exercice judiciaire sans verser pleinement dans la propagande programmée. Le journal de l'histoire est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Toute la semaine, le cours de l'histoire s'est intéressé à l'histoire de l'alcool. Oups, buvons ensemble sa mousse et sa brasse, histoire de la bière, le raki et le sultan, boire dans l'Empire ottoman ou encore l'absinthe, les artistes à la rencontre de la fée verte. Mais après la bière, le raki et l'absinthe, bois de l'eau, sac à vin, quand l'alcoolisme devint une maladie. Des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France, des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et nous allons demain poursuivre nos aventures historiques avec Fou d'Histoire. Nous recevons Delphine Horviller. Nous allons parler de la passion historique de Delphine Horviller. Une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Duedès, Odile Joissel, Juliette Corbel-Vivas et Maïwenn Guizhou. À demain pour Le Cours de l'Histoire.